regards qui font que mes pieds, ils attendent le faux pas. J'ai une macro au poignet, Dieu qui donne c'est comme ça. Je n'ai plus le temps pour les prises de tête, des têtes j'écrame à 800 mètres. Je suis encore là quand ils changent de chaîne, je sais qu'ils pourront pas s'en remettre. T'as fait ci, t'as fait ça, épargne-moi ton blabla, ça me met hors de moi. T'as fait ci, t'as fait ça, épargne-moi ton blabla, ça me met hors de moi. Ça fait rampa-pam-pam sur mes ennemis, ça fait rampa-pam-pam. Ça fait rampa-pam-pam sur mes ennemis, ça fait rampa-pam-pam. C'est qu'ils vont pas s'en remettre, mettre. Trop loin pour eux, ça y est. C'est qu'ils vont pas s'en remettre, mettre. Trop loin pour eux, ça y est. Nada pour être bien, je nage au milieu des requins, je nage au milieu des requins. Je compte sur nada pour être bien, je nage au milieu des requins, je nage au milieu des requins. J'oublie pas mes fans, sans vous j'étais pas là. Là je en file indienne, même pas je décale. Nous fais pas ce qui sait, nous fais pas le spartiate. J'suis dans le 4x4, lunettes noires, longues nattes. T'as fait ci, t'as fait ça, épargne-moi ton blabla, ça me met hors de moi. T'as fait ci, t'as fait ça, épargne-moi ton blabla, ça me met hors de moi. Ça fait rampa-pam-pam sur mes ennemis, ça fait rampa-pam-pam. Ça fait rampa-pam-pam sur mes ennemis, ça fait rampa-pam-pam. C'est qu'ils vont pas s'en remettre, mettre. Trop loin pour eux, ça y est. C'est qu'ils vont pas s'en remettre, mettre. Trop loin pour eux, ça y est. T'as fait ci, t'as fait ça, épargne-moi ton blabla, ça me met hors de moi. T'as fait ci, t'as fait ça, épargne-moi ton blabla, ça me met hors de moi. Ça fait rampa-pam-pam sur mes ennemis, ça fait rampa-pam-pam. Ça fait rampa-pam-pam.